direction de ton race. Car le système s'embrase, il cherche à nous écraser, nous rendra pas les armes. Faut entreprendre de se faire entendre et c'est pas en temps de trêve. Que les rêves vont stopper l'alarme, que l'image sera sans presse. D'activer, c'est de mettre la presse pour que la thèse réplique. Que leur tasse de loi s'applique, que le peuple reste en stress. Pendant que ses vieux tapent sans graisse, avec ce qu'on verse pour les taxes. Pourtant pas dire qu'on brasse, mais c'est ça la France. Sa politique, ses défaillances qui font profiter les bâtards. Qui exercent leur pouvoir en pleine conscience. Qu'ils attisent la haine dans laquelle peine la quête vers la tolérance, la méfiance, l'ignorance. Qu'ils cherchent à instaurer dans nos quartiers, histoire d'un peu plus nous ghettoiser. À leurs yeux des extrêmes en causant les eaux extrêmes. À cause de nos sons, dénonçant leur règne. Regarde mon 369 crew face aux racistes escrocs. J'avais des rêves, ils m'ont dit de pas attendre pour qu'ils les exaucent. L'étape dans laquelle on se trouve était l'épatante. Dans l'état policier, un état des lieux parmi tant. Si t'es dans la merde, leur système à la loupe l'équivaut. Outré, foutre le feu, n'est-ce pas ce qu'il faut. On est loin de leur compte blindé avec mes potes. Alors on mind des lettres, faut te chiffrer car la note. Commerce triangulaire au commencement et les séquelles se perpétuent. C'est vrai que t'es long à réfléchir si tu crois que ça s'atténue. Les balles se perdent et tu, y'a des crachats sur tes symboles. Le permets-tu, le verbe tu quand on marche. 369, sonar malvenu sur ton territoire. À l'aube de l'heure, nouveau millénaire à vif, ils m'ont millénaire. Comprends pourquoi, au but on avance façon linéaire. Un jour mec, ce sera nous au pouvoir. Moi je veux entendre des à voter dans leur bureau. J'ai trop d'idées à noter, sans te mentir je veux pas que tu sois à côté de la plaque. Ces gars sont tous de bons orateurs, prétendant que la délinquance est du rappeur. On refait notre monde avec un peu d'alcool sur un banc, on veut juste mettre tout le monde d'accord. Restant lucide face à ce qu'on endure. Certes, parfois cela se fait dur, mais c'est rien à côté d'une dictature. J'oublie pas qu'ici on possède un droit de vote rare et l'adéquation entre la loi et mes potes.